15 heures. C'est la demi-finale. Un soleil de plomb perce l'épais feuillage du bosquet. La chaleur torride écrase les bruits de la rue. Les moineaux n'osent plus quitter leurs branches et l'air se fait rare. On n'entend plus que le suintement limpide de l'eau qui stagne dans le canal. Jusqu'aux cigales, qui ont ralenti leur chant lancinant, prêtes à se taire, tant le moment est solennel, sous leurs pattes figées, depuis que Chaouchiu des Esquilfadou a jeté sa casquette à terre. Là, sur le sable d'une contre-allée envahie par les spectateurs, le drame a commencé. Les trois étrangers sont en train de se qualifier pour la finale du lendemain dans les arènes. Bobine, le marchand de glace, est en sueur. Mado, la dame pipi du square, pose vivement son balai contre un platane et se plante, jambes écartées, les poings sur les hanches, devant le plus jeune des Lyonnais qui sourit de satisfaction. « Dis, petit, ça te fait rire ? Elle n'est pas encore finie la partie. Ici, on respecte l'adversaire. On n'est pas à Paris ici, monsieur !» Juché sur un banc de pierre, Gratte-cul, qui a toujours les mains occupées dans le bas de son dos, acquiesce doctement et rajoute son grain de sel pour ne pas être en reste. C'est pas possible. Ils n'auront pas toujours de la chance, ces trois cafalots du Nord. Ils n'ont jamais vu une botte de leur vie et ils sont à égalité 12-12 avec les trois as de l'équipe Farigoule, les cadors de Nîmes, Chichi de la Placette, Dédé du Chemin Bas et Maxou du Tortoni. Bonne mère, j'y crois pas, je rêve. C'est le monde à l'envers.